yule Seigneur. Tumshangilie Bwana. Aliahidi atatenda. Il a promis qu'il agira. Na tushangilie Bwana. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Aliahidi atatenda. Il a promis qu'il agira. Aliahidi atatenda. Il a promis et il agira. Tumainie Bwana. Il faut croire au Seigneur. Hallelujah. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous accueillir encore mutuellement et dire bienvenue, la bataille continue. Karibuni, vita inaendelea. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur d'être honorés parmi ceux qui vont intervenir dans ces tournants décisifs. Et nous sommes bénis d'être là ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre texte de base. Bon, notre texte du tournant, c'est Psaume chapitre 1, verset 3. Tutasoma andiko letu la msingi la kipindi Zaburi sura moja, moja hadi tatu. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Yeye ni kama mti uliopandwa karibu na vijito. Qui donne son fruit en sa saison. Unaotoa matunda kwa wakati wake. Et dont le feuillage ne s'effleurit point. Na majani yake hayanyauki. Tout ce qu'il fait lui réussit. Yote anayofanya inafanikiwa. Alléluia. Amen. On peut acclamer cette parole du Seigneur. Tunaweza kushangilia ile neno la Bwana. Après plus de 25 jours de prière et d'enseignement, je sais que nous sommes des gens dans les airs. Nous sommes des gens dans les airs. On est en train d'approcher l'atterrissage. On est en train d'approcher l'atterrissage. Lorsque je réfléchissais sur ce thème et que l'homme de Dieu nous l'a partagé, j'étais béni parce que j'ai une pensée m'est venue à l'esprit. Il dit tous tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il touche réussit. En d'autres termes, la réussite a changé d'adresse. Lorsqu'on cherche la réussite, on cherchera cet homme. Parce que si lui, il est là, tout réussit déjà. S'il est présent, il est déjà, la réussite est déjà là. Et j'ai compris que ça, c'est une prophétie. C'est une prophétie qu'une saison est ouverte. La saison où Dieu va engendrer des hommes et des femmes réussites. Des hommes qui n'iront pas au temple pour chercher le succès. Eux-mêmes marcheront avec l'adresse de la réussite. Si quelqu'un les touche, il les bénit. Si quelqu'un les rencontre, il rencontre la réussite. Et je crois que la saison a été ouverte sur cette assemblée. Et que désormais, après ce moment, tu ne pleureras plus, tu ne demanderas plus à l'Orient, tu ne lèveras plus les yeux vers les montagnes, tu ne chercheras plus, parce que toi-même, tu seras cette gloire, tu seras cette réussite, ce succès qui est recherché par plusieurs. Alléluia. Amen. Cette réussite que les gens recherchent dans le monde. C'est pourquoi dans Philippiens 2:15 il dit: soyez comme des flambeaux, des références dans cette génération perfectie. Une génération qui n'a pas de référence. Une génération qui recherche les succès, qui recherche la gloire. Lorsqu'ils vous verront, ils se rendraient compte que nous n'avons plus à chercher. La gloire est déjà parmi nous. La réussite est déjà parmi nous. Le succès est déjà parmi nous. Nous n'avons plus à chercher parce que la gloire est déjà là. Alléluia. Je prie que Dieu fasse de toi une référence de réussite dans ta famille, dans ta génération, une référence de réussite dans ton quartier. Les gens qui ont cherché, ils ne vont pas chercher en battant l'air, mais ils vont seulement se référer à l'adresse de la réussite. On leur dira: si tu arrives là-bas, tu as déjà réussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ma prière de ce soir, avant d'entrer dans les thèmes, le sous-thème que je vais traiter, est que tu sois l'adresse de la réussite. Tu sois l'adresse de la victoire. Tu sois la référence des victoires éternelles. Quand les gens chercheront, quand les gens voudront avoir l'information sur comment réussir, comment entrer dans le succès, ils viendront vers toi et ils poseront la question. Frère, Ndugu, sœur, dada, quel est ton succès? Quel est ton secret? Siri yako ni nini? Quel est ton secret? Siri yako ni nini? Et tu leur diras. Na utawambia. C'est très simple. Ni rahisi sana. Regardez-moi seulement. Muniangalie tu. Suivez-moi seulement. Munifuate tu. Si tu me vois avancer, avance. Natembea, si tu me vois parler, parle. Si tu me vois faire, fais. Ukiniona nafanya, si tu fais comme moi. Ukifanya kama mimi. Tu réussiras. Utafanikiwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais seulement comme moi. Ukifanya tu kama mimi. Regarde-moi seulement. Muniangalie tu. Lorsque Paul regardait l'assemblée. Wakati Paul il voyait comme les gens étaient agité. Il n'avait pas de référence. L'adresse est sur Christ. Et il a dit, vous qui n'avez pas de référence, si vous avez besoin du succès, si vous avez besoin de Christ, regardez-moi seulement. Et imitez-moi. Si vous m'imitez, vous réussissez. Alléluia. Amen. Passez seulement sur mes pas. Mupite si tu me vois mettre le pied droit, mettez aussi la droite. Si tu me vois mettre la gauche, mets aussi la gauche. Si tu me vois aller à droite, va à droite. Si tu me vois avancer, avance seulement. Si tu suis seulement mon mouvement, tu es béni. Alléluia. Amen. Et je crois que cela est possible. Il y a un temps où nous recherchons la bénédiction. Il y a un temps où nous allons voir les prophètes pour chercher les bénédictions. Un temps où la réussite devient dans les zones impossibles. Mais il y a la saison qui vient de s'ouvrir. La saison qui vient d'arriver où la réussite changera d'adresse. Elle dira, je vivrai chez toi. Si les gens ont besoin de moi, ils viendront me chercher. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Pour arriver à être une réussite. Vous savez, il est des moments où nous recherchons les choses. Nous pensons que si nous arrivons à ça, alors nous aurons réussi notre vie. Je pense que si j'ai telle maison, j'aurai une nouvelle valeur. Je pense que si j'ai tel diplôme, j'aurai une telle valeur. Mais il est des moments où avant d'avoir, je suis déjà. Avant d'avoir, je suis déjà. Avant d'arriver aux États-Unis, je suis déjà. Avant d'avoir cet emploi, je suis déjà. Avant d'être ce que les gens pensent, je suis déjà. Je parlais avec une sœur il y a quelques jours. Elle avait l'air d'avoir échoué. Elle dit, tu sais, j'avais le rêve de faire, d'être un médecin. Et je rêvais chez Sous. Et il est arrivé un moment, ma vie a basculé parce qu'il y a eu des problèmes de finances et j'étais à la faculté. Et je me suis battu seul. Mais j'étais encore très loin. Je n'étais qu'à G2 pour faire G3. En biomédical, ça ne se passe pas comme ça. La marche est longue. Un moment, on m'a conseillé. On m'a dit, je pense que tu forces une porte qui ne s'ouvrira jamais. Est-ce que tu peux aller à l'ISTEM? Comme ça, comme tu aimes des choses, de la médecine et de la santé, tu auras aussi à toucher les malades et faire quelques prescriptions. Et elle a fait ça. Mais quand je l'ai rencontré, elle disait, même après avoir fait l'ISTEM, je sens que j'ai échoué. Même quand j'ai rencontré le mari de ma vie, je sens que j'ai échoué. Même quand j'ai des enfants, je sens que j'ai échoué. Je lui ai dit, ma soeur, tu as un problème. Tu as un problème. Si tu es encore un échec, si ta vie est un échec, c'est que le Christ que nous avons cru, les dieux que nous avons cru, les dieux avec qui nous avons l'alliance, n'a pas été utile pour toi. Parce que lui, il vient combler le vide. Lui, il vient remplir là où il y avait des vallées. Il vient remettre la place des choses que tu ne pouvais pas avoir par d'autres chemins. Si tes parents ne t'ont pas donné le bonheur, si tes parents ne t'ont pas donné la satisfaction, si la situation n'a pas été favorable pour toi, mais la présence de Dieu dans ta vie devait combler le vide qui était dans ta vie, ça veut dire que tu es capable d'arriver au bonheur avant d'avoir les choses auxquelles tu aspires. Tu es capable de vivre dans la joie avant d'habiter dans une maison lambrisée, parce que mon bonheur ne dépend plus de la maison, mon bonheur ne dépend plus de mon diplôme, mon bonheur ne dépend plus de ma famille, mais le bonheur a une adresse sur moi. Parce que quand j'ai fait alliance avec ce Dieu-là, ma vie a changé, l'identité a changé. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois Jésus, normalement comme il devait contredire la loi, il fallait qu'il cherche un rabbin érudit. La théorie de Jésus-Christ devait venir contredire certains principes des pharisiens. Logiquement, il devait recruter un rabbin et l'envoyer vers les rabbins. Mais il est parti prendre un pêcheur vulgaire. Un Pierre qui passe la journée sur les eaux. Il n'a jamais été dans une école rabbinique. Il n'est pas connu par les rabbins. Mais il est rempli par l'esprit. Cet homme qui était nul, un homme qui était sans effet, un homme qui n'avait pas d'adresse, qui n'avait pas de renommée, désormais tout le monde vient l'écouter. Même les rabbins doivent écouter son discours, parce que la présence d'un Dieu, de ces dieux-là, avant Dieu et après Dieu, ne doit pas être égal. La même chose, quelque chose doit changer, quelque chose doit changer, quelque chose doit changer. Alléluia. Nous ne devons plus chercher comme les autres, nous ne devons plus étudier comme les autres. La loi qui me gère doit être différente des lois qui gèrent les autres. Quand je m'engage, il y a un Dieu qui s'engage avec moi. Quand je pars, il y a un Dieu qui me précède. Alléluia. Je lui dis, bien aimé, tu n'as pas raison. Tu dois guérir. Tu dois guérir. Parce que si tu aspirais à être médecin, tu as reçu plus qu'un médecin. Si tu as aspiré à un bonheur, tu as reçu plus qu'un bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne à côté, tu es une réussite en toi-même. Tu as une réussite en toi-même. Parce que nous l'avons reçu en Christ. Et la vie, c'est une formalité du usage. Tout est déjà fini sur la croix. Même quand nous combattons, ce n'est plus pour la victoire, parce que la victoire est déjà là. Même quand je suis sur le terrain, je sais que c'est un match amical, parce que la coupe est déjà dans mon camp. C'est un match amical, la coupe est déjà dans mon camp. On a déjà sifflé forfait. Je suis le vainqueur. Alléluia. Amen. Amen. Ne pleure plus. Usilie tena. Je prêchais quelque part, je disais, les chrétiens, à un moment donné, nous devons cesser nos attitudes devant Dieu. Parfois, nous venons devant Dieu comme des mendiants. Nous venons devant Dieu comme des victimes de la situation. Oh Seigneur, regarde. Zambetala, regarde. Bien-aimé, il y a des moments où tu t'élèves. Tu dis, désormais, le Christ qui est à moi doit être manifeste. Comme c'est lui la référence du succès, comme c'est lui la référence de la réussite, lève-toi, arrête les vagues, arrête les vagues. Alléluia. Amen. Parfois nous nous battons comme si nous sommes seuls. Mara tunapigana kwamba tunakuwa sisi wenyewe. Tu n'es pas seul. Wewe si mwenyewe. Dis à la personne à côté. Ambia na kwa pembeni yako. Hauko wewe mwenyewe. Il y a quelqu'un à bord. Kuna mtu ambaye anakuwa ndani ya mashua yako. Il y a un homme fort à bord. Kuna kwa mtu mwenye nguvu ndani ya mashua yako. Il faut te rassurer seulement qu'il est monté à bord. Na inaomba uhakikishe kwamba alipanda ndani ya mashua yako. Il est monté à bord. Mbele ya kwenda ujue kwamba anakuwa ndani ya mashua yako. Na wakati kuna rien n'arrivera de mal. Soruba unajua hakuna kibaki takachofika. Parce qu'il est avec moi. Sababu yeye ni pamoja na mimi. Hallelujah. Amen. Nous ne sommes pas victimes de la situation. Si à tout corps en bas on ne sommes pas des mendiants devant Dieu. Si wa kulomba lomba mbele ya Mungu. Nous sommes des princes. Si ni wafalme. Qui s'avancent vers leur héritage. Ambao wanaendelea wanaenda mbele. Nous sommes des vainqueurs. Si ni washindi. Qui viennent prendre la couronne. Ambao wanakuja kuchukua taji. La compétition est déjà finie. Magombezi yameshaisha. La bataille est déjà finie. Vita vimesha. On attend seulement le jour de la remise de la coupe. Tunangoja tu siku ambayo watakupatia kikombe na naposogea. Je ne m'avance pas si avec des hésitations, je m'avance comme un vainqueur. Parce que le combat est déjà fini. Sababu vite meshaisha. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Et la pensée de ce soir. Wazo la mangaribi ya leo. Je vais y toucher juste pour quelques 30 minutes. Nitazungumzia tu dakika. C'est de la transformation aux victoires éternelles. De la transformation aux victoires éternelles. Kutoka mabadiliko hadi ushindi wa milele. De la transformation aux victoires éternelles. Toka ushindi, toka mabadiliko hadi ushindi Jean chapitre 12, 23 à 24. Tutasoma kitabu cha Yohana 12, Jean 12, 23 à 24. Notre bien-aimé va lire d'abord à Swahili. Et moi je vais lire Genèse chapitre 12, du premier au deuxième verset. Kisha mwanzo. Soma Yohana 12, 23, 24. Tusome tutasoma mwanzo 12 moja mpaka 2. Mwanzo Yohana 12:23 hadi 24. Tusome kwa jina la Yesu. Yesu akawajibu, saa ya kutukuza kwa mwana wa mtu imetimia. Kweli kweli ninawaambia, punje ya ngano inabaki peke yake tu, isipokuwa kama yenye kufa na kuzikwa ndani ya udongo. Lakini kama ikiwa yenye kufa inatua matunda mengi. Amina. Amen. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Genèse 12, du premier au deuxième verset, c'est un verset que nous lisons régulièrement. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Exode chapitre 7, le premier verset. Kutoka saba, shaili la kwanza. Je vais lire tous ces versets comme on n'a pas beaucoup de temps. Nitasoma hizi shaili zote ngisi hatuna wakati. L'Éternel dit à Moïse, Bwana Mungu akamwambia Musa, voici je te fais Dieu. Tazama na kufanya kuwa Mungu. Pour Pharaon. Mbele ya Farao. Et Aaron ton frère. Na Aruni ndugu yako. Sera ton prophète. Atakuwa nabii yako. Acclamons la parole du Seigneur. Tushangilie neno la Bwana. Hili ni neno la Bwana. Nous avons parlé de bataille. Tumezungumzia vita. Nous avons parlé de réussite. Tumezungumzia mafanikio. Nous avons parlé du combat spirituel. Tumezungumzia vita vya kiroho. Les différents orateurs sont passés par nao wanenaji wengi wamepita hapa. Et nous ont donné les éléments, les paquets. Na wametupatia furushi kubwa. Qui sont derrière ces principes. Ambao iko nyuma ya kanuni. Pour arriver au fait que ili tufikie tout ce que l'homme fait réussir. Yote ambayo mtu anafanya anafanikiwa. Plusieurs principes. Umepata kanuni nyingi. Le réussite dans beaucoup de domaines. Mafanikio ndani ya uwanja mwingi. Dans le domaine du ministère. Ndani ya uwanja wa huduma. Du combat spirituel. Ndani ya uwanja wa vita. Dans le domaine de famille. Ndani ya uwanja wa jamaa. Dans le domaine professionnel. Ndani ya uwanja wa kazi. Dans le ministère. Ndani ya huduma. Nous avons reçu des informations. Tumepokea habari. Importantes. Ambazo ni za maana. Mais ce soir. Lakini mangaribia leo. Je voulais nous dire ceci. Ningependa niwaambie. Il y a des missions. Kuna kazi. Il y a des missions. Kuna kazi. Il y a des opérations. Kuna kazi. Que tu ne ferais pas dans l'ordinaire. Que tu ne feras pas dans le naturel. Il faut monter dans une autre dimension. Il faut passer dans un autre processus pour arriver à produire les résultats. Et Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, tel que tu es là. Jesus, tu es né fils d'un esclave. Tu as passé un petit moment chez Pharaon. Pharaon. Et puis tu es retombé berger. La mission qui est devant toi, tu n'es pas capable de l'affronter. À moins que je te donne une nature. La nature de Dieu. Il faut que je change ta nature. Parce qu'il y a des missions où tu ne vas pas aller comme ancien fils de Pharaon. Il y a des missions où tu n'iras pas comme ancien fils d'esclave. Il y a des missions dans lesquelles tu n'iras pas comme ancien berger. Même si tu as vu les toisons, le buisson ardent, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu viennes dans mon usine, que tu viennes dans mon laboratoire. Je vais te travailler, je vais te refaire, je vais te remodeler, je vais changer ta nature, jusqu'à ce que quand tu vas sortir de mon atelier, de mon usine, tu ne seras plus un homme, tu seras un Dieu. Alléluia. Amen. Tu seras un Dieu. Lorsque les gens te verront, lorsque les gens se rapprocheront de toi, parce que je t'informe que Pharaon que tu vas affronter, il n'est pas seulement un homme, il n'est pas seulement un roi, mais c'est un Dieu. Et pour l'affronter, tu as besoin d'avoir une dimension, un rang élevé, une nature élevée, où tu ne seras plus cet homme qu'on connaît par l'identité chez Pharaon dans les services de l'enseignement, mais un homme qui a reçu la divinité en lui. Et ce n'est pas une divinité coptée, mais c'est une divinité qui est incorporée en toi. Tu ne vas plus demander que moi j'intervienne, mais lorsque quelqu'un te verra, il verra un Dieu. C'est pourquoi je change ton identité. Toi, tu n'es plus prophète, tu auras plutôt un prophète, parce que toi tu es un Dieu. Et quand tu parleras, les hommes de Pharaon, les magiciens, ceux qui l'entourent, les conseillers, ils peuvent retrouver ton visage, mais quand ils écouteront tes paroles, ils diront ça c'est un Dieu, et ils seront soumis. Alléluia. Ils seront soumis, pas parce que tu t'appelles Moïse, pas parce que tu as la sagesse d'Égypte, pas parce que tu as fait les sciences d'Égypte. Ils seront soumis parce que tu es un Dieu. Dis à la personne à côté, il est des moments où il faut monter dans la dimension de Dieu. Il y a des circonstances qui n'obéiront pas parce que tu as dit au nom de Jésus. La question qu'ils vont poser, qui est-il? Pose la question à la personne à côté, qui es-tu? Il y a des démons qui vont refuser de bouger. Il y a des systèmes qui vont refuser de céder. Parce que tu as gardé la même identité. Tu as maîtrisé les formules du combat spirituel. Tu as cité les versets bibliques. Aucune arme forgée contre moi sera sans effet. Alléluia. Ils vont essayer les carreaux, ça va te rattraper. Watapima carreaux, haitaweza. On dit, toi tu as dit que les armes ne t'atteignent pas. Walisema carreaux na carreaux na kufikia. Non, tu as affronté cet esprit avec la dimension des hommes. Lorsque tu monteras dans la dimension de Dieu, il y a des versets bibliques qui resteront vrais. Parce que quand tu es un Dieu, même le poison que tu vas avaler va se transformer en vitamine. Parce qu'on ne tue pas un Dieu avec du poison. On n'élimine pas un Dieu avec le carreau. On n'élimine pas un Dieu avec les accusations et les calomnies. Tu es monté déjà plus haut. Dis à la personne à côté, il faut monter. Ambia naye kwa pembeni yako inaomba kupanda. Il faut monter. Inaomba kupanda. Il faut monter. Inaomba kupanda. Il faut monter. Inaomba kupanda. Il faut monter. Inaomba kupanda. Alléluia. Amen. On ne va pas rester dans la basse cour. Atupaswe kubaki tu chini. Il y a des combats, il faut se battre dans l'air. Kuna vita naomba kupigania tu. C'est pourquoi il y a ces infanteries qui se battent comme une armée de terre. Kuna waskari ambao wanapigana. Mais il est des moments où l'ennemi devient compliqué. Lakini kuna wakati adui anakuwa frappé dans les hauteurs. On va dire à l'armée céleste, vous qui êtes spécialisés dans les hauteurs, vous qui contrôlez les airs, bon Matissa. Matissa ba niveau na bino. Montez maintenant. Parce que l'ennemi, il faut changer de stratégie. Quand ça ne marche pas avec l'ennemi, ne restez pas dans la même formule. Changez de formule. Nous avons combattu comme des hommes. Nous avons combattu comme les disciples de Christ. Mais nous devons monter dans la dimension de la divinité. Et dire désormais, Seigneur, je voudrais que tu me communiques une nouvelle dimension. Parce que je vais agir comme un Dieu. Si vous devez ordonner à la montagne de se déplacer, Jésus est en train de dire, si vous avez la foi, vous pouvez dire à la montagne de se déplacer vers le zoo, et la montagne va se déplacer. Vous savez, quand Jésus était en train de parler, cette montagne dont il parlait, c'était une montagne physique. Et vous savez avec moi que les montagnes, les reliefs, sont de la dimension de la divinité parce que c'est Dieu qui a placé les montagnes. Ça veut dire la montagne ne peut pas obéir à un homme parce qu'une créature n'obéit pas à une autre créature. Il faut que vous ayez la race du créateur, la dimension du créateur pour parler, commander à la création. Si je t'ordonne montagne, je ne suis plus une créature comme toi. Je t'ordonne parce que moi, je suis le créateur. Je suis dans le rang du créateur. Je t'ordonne comme créature de se déplacer. Il est Et la mission que Dieu a donnée à l'Église n'est pas une mission facile. Il dit faites des nations de disciples et faites-les mes disciples à moi. Mais quand tu vas les prendre dans le camp des autres, ils ne vont pas te rendre la tâche facile. Il est des moments où tu ne vas pas entrer comme toi. Monsieur Néhémie, comme je vais entrer comme Jean-Baptiste, il y a des moments où je vais entrer comme un Dieu. Ça veut dire les circonstances n'ont pas la capacité de m'empêcher d'agir. Ça veut dire rien ne peut m'empêcher d'accomplir ce que je désire parce que désormais je n'ai plus mon identité ancienne. Je suis un Dieu. Et l'homme de Moïse qui était peureux, il a fui dans ce pays-là. Il était recherché. Il avait commis un meurtre. Il était recherché. Et lorsqu'on lui a garanti que désormais tu deviens un Dieu, il vient sans armes, sans armée. Il vient comme ça. Il arrive à la cour. Le premier service le repère. On lui dit, mais Moïse, tu reviens ici. Mais tu es recherché. Qui est-ce que tu cherches? On peut l'appeler, il va te rencontrer ici. Et puis il dit, je ne m'arrête pas ici. Je vais voir le pharaon. Quelle est ta mission? Il dit, je vais arrêter l'usine de production de briques. Je vais arrêter cette économie. Parce que ces gens doivent être libres. Pour dire ces choses à Pharaon, ce n'est pas seulement que vous êtes prophète. Ce n'est pas parce que vous êtes Moïse. Non, mais là, il faut avoir un rang supérieur plus que lui. Parce que les esclaves que vous allez libérer, si l'économie existe, c'est parce que ces gens-là sont là. kupitia watu hao. Si ya la stabilité macroéconomique comme kuna ustawi kiuchumi ndani ya nchi. C'est parce que ces gens produisent tous les jours. Sababu hao watu wanatoa kila siku. Mais toi tu viens dire. Lakini wao unakuja kusema. Que la source ya kwamba chemchemi. De devise. Ya hii la pesa. Source le moteur du développement de ces pays. Hii inayofanya hii nchi endelee. Toi tu vas l'arrêter. Wewe utaisimamisha. Okay. Sawa. Tu vas retrouver ta tête sur le plat. Utaona kichwa chako kiwa juu ya sahani. Mais Pharaon, comment il va tuer un dieu? Sasa Farao atamua namna gani Mungu? Il n'a plus le pouvoir. Hana tena mamlaka. Cet homme qui était l'agent à la cour. Huyu mtu aliyekuwa akitumika kwenye kikao. A changé de nature. Amebadili utu. Parce que la mission. Sababu kazi. La mission. Kazi. La mission. Kazi. La mission. Kazi. Exige. Inashurutisha. Il n'est plus la première nature. Haku asikue tena ile utu wa kwanza. Il y a la personne à côté, il y a des missions qui demandent que tu changes de dimension. Ambia ndugu yako kuna kazi ambayo inaomba ubadili kiwango. Il y a des moments où nous venons comme des personnes ordinaires. Kuna wakati tunakuja kama watu ambao ni kawaida. Mais il y a des moments où nous sommes obligés de changer. Lakini kuna wakati tunashurutishwa kubadilika. Bien-aimé, le système dans lequel nous sommes. Mpendo uongozi tulio ndani yake. Ne nous donne pas la chance. Haitupatie bahati. De le balayer si facilement. Ya kuisogeza kuifagia kwa urahisi. Nous parlons de la franc-maçonnerie. Tunazungumzia ufranc-maçonni. Nous parlons des systèmes politiques d'Afrique. Tunazungumzia uongozi wa kisiasa Afrika. Quelqu'un me faisait réfléchir. Kuna mtu ambaye aliniambia nifikiri. Il dit si l'Afrique se relève. Anasema kama Afrika inainuka. Si l'Afrique se libère. Kama Afrika inachokoa yenyewe. L'Europe meurt. Ulaya inakufa. Tout ce qui nourrit l'Europe vient de l'Afrique. Yote naelisha Ulaya inatokea Afrika. Et donc on ne vous laissera pas la chance. Na nikusema watawapatia wakati. De vous organiser. Ili muweze kujitengeneza. Vous pouvez rêver les élections. Mnaweza kuwaza tutapata. Mais parfois elles ne viendront jamais. Lakini mara hazitakuja. Ou même quand elles viendront. Lakini hata seront jamais transparentes et démocratiques. Hazitakuwa za kidemokrasia. Parce qu'il y a quelqu'un qui profite de votre misère. Sababu kuna mtu ambaye anafaidia ile mateso yenu. Si vous êtes bien lui, il est dans une mauvaise situation. Kama nyinyi mnakuwa ndani ya hali nzuri yeye anateseka. Quand vous êtes dans une mauvaise situation, lui il est dans la gloire. Yeye anakuwa ndani ya utukufu. Bien aimé, nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour connaître ça. Mpendwa tunaja Roho Mtakatifu. Ce sont des faits qui nous entourent. Ni mambo ambayo yanatuzunguka. C'est pourquoi je peux être à Goma. Ndio maana naweza kuwa Goma. L'or qui se trouve à côté ici, je ne connais même pas la couleur. Zahabu inayokuwa hapa pembeni sijui hata. Et il y a des voisins qui jouent avec. Na kuna jirani ambaye anacheza nayo. Ça, ce sont des faits. Haya ni mambo. Nous allons prier pour travailler dans une ONG. Sisi tutaomba ili tuweze kutumika ndani ya kampuni. Et les dons viendront de l'Europe. Na msaada tatokea Ulaya. Mais on va m'interdire de prier que je demande que Dieu me fasse accéder aux minéraux qui sont derrière moi. Lakini watanizuiza niombe ili Mungu anifikishe kwa ile utajiri nayo kwa nyuma yangu. On va créer un mur. Wataumba ukuta. Même si tu es dans les rêves. Hata kama uko ndani ya ndoto. Tu n'imagines pas que derrière ta porte il y a des richesses. Hautawaza kwamba nyuma yako kuna utajiri. Tu demanderas toujours les richesses de l'Orient. Utaomba tu utajiri nayo tokea mashariki. Parce qu'il y a un système qui travaille. Sababu kuna uongozi na ce sont des systèmes physiques. Ni uongozi ya kimwili. Et qui existe. Na ambao iko. Hallelujah. Amina. Avant d'être trop spirituel. Mbele ya kuwa nous devons comprendre qu'il y a des réalités physiques, sociales et des réalités politiques qui nous entourent. Ya kwamba kuna ukweli wa kisiasa na wa kijamii nayo tuzunguka. J'ai prié il y a quelques jours. Niliomba kuna siku kidogo. Et je sentais l'esprit me révolter. Na nisikia roho akinibadilisha. J'ai dit il faut que je mange à la richesse de ces pays. Donc nikule mimi konasema ni matunda ya hii. Je dois manger mdur, ça c'est le fruit de ces pays. Que je donne ma dîme dans le panier. Ni pane cha kumichangu hapa ndani ya kikapu. J'ai dit diamant au Kasai, c'est ça ma dîme. Nilipata alimasi Kasai na hii ni cha kumichangu. J'ai dit l'or, c'est ça ma dîme. En fait ces richesses existent. Sababu na hii ni cha kumi yangu. Hii utajiriko. Mais il y a des systèmes. Lakini kuna uongozi qui nous empêche. Ambazo zinatuzuia. Ce ne sont pas des démons. Sio mapepo. Ce sont des humains qui se déplacent physiquement. Ni watu ambao wanatembea kawaida. Ils peuvent être dans l'armée. Wanaweza kuwa ndani ya jeshi. Ils peuvent être même des ministres. Wanaweza kuwa hata mawaziri. Mais ils sont habillés en démons. Ce Lakini sont des démons vivants. Mapepo ni mapepo inayoishi. Et ils font des choses. Na wanafanya mambo. Tu dis ça c'est un démon. Unasema huu ni pepo. Mais il a une mission. Lakini ana kazi. Il m'empêche d'entrer là-bas. Ananizuiza niingie hapo. Il me pousse toujours dehors. Ananisukuma tu nje. Va en Europe. Uende Ulaya. Sois immigré. Uende uhamie Ulaya. Va mourir dans la mer. Uende kufia ndani ya bahari. Tuachie hii. Laisse nous ça. Et j'ai dit, ma prière va changer. Je vais commencer à demander mon héritage. Seigneur, tu as voulu que je sois congolais. Tu as mis de l'or dans ce pays. Je change d'angle. Je ne combats plus seulement les démons qui sont en Europe. Mais je combats les démons qui sont entre moi et mon héritage. Qu'ils soient humains, qu'ils soient des démons spirituels, qu'ils disparaissent. Bien-aimés pour renverser ces forteresses qui sont restées établies en Afrique durant des siècles. Ce n'est pas avec des prières ordinaires. On a fait 8-18. Et tu jeûnes depuis 8h jusqu'à 18h. Et avant d'arriver à la maison, je suis allé à la tatu munjia. Nambele ya kufika nyumbani umeshakera njiani. On a validé ma léger zingine. Et tu commences à ajouter d'autres légers. Oh, boule na chakwa léger. Et la boule est devenue léger. Na nyama ngombe na chakwa léger. Même la viande de Aïe comment il est vite, ndio tangusha ile forteresse. C'est léger. Si yo hivyo ambao tangusha ngombe hizo. Il faut voyager à l'intérieur de la province. Inaomba usafiri ndani ya pour te rendre compte qu'il y a des géants vivants. Ili uelewe ya kwamba kuna majitu zinazoishi. Mais des êtres vivants. Kuna kwa watu wazima. Pour déplacer ça. Ili uweze kuwatoa. Il faut être un Dieu. Waondosha hapo, inaomba kuwe Mungu. L'église, nous sommes encore sur la terre. Kanisa tuko duniani. Nous avons besoin de la terre. Tunahitaji dunia. Nous devons connaître notre environnement. Tunapaswa kujua mazingira yetu. Et connaître quel est notre ennemi. Na kujua nani adui. C'est vrai, il y a l'ennemi dans l'esprit. Hakika kuna adui ndani. Mais il y a des ennemis physiques. Lakini kuna madu des ennemis qui se déplacent. Wana madu ambao wanatembea. Il y a même des systèmes politiques. Kuna hata uongozi wa kisiasa. Qui sont mis en place. Ambazo zimewekwa. Pour que toi tu restes malheureux. Ili wewe ubaki unateswa milele. Et que ta prière reste éternelle. Na maombi yako ibaki ya milele. Quand tu chercheras à te relever, quelqu'un de vivant viendra pour annuler ça. Et pour renverser ces forteresses qui sont des systèmes intelligemment conçus, des experts restent dans le bureau tous les jours et ils sont payés pour ça. Ils travaillent dans différents pays du monde pour que tu restes malheureux. Pour renverser ces cabinets-là, ces experts dans le monde, il faut changer de dimension. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom du Seigneur soit béni. Et lorsque je parle de la transformation, nina pasungumzia mabadiliko. Il s'agit d'un processus. Inakuwa ni hatua. Que j'accepte. Ambao nakubali. J'accepte de passer par ce processus. Nakubali kupitia hatua hiyo. Pour arriver à accomplir ma mission. Nifikie nitimize kazi yangu. Jésus dans le chapitre 12 de Jean, niko ndani ya sura ya 12 ya Yohana. Lui est le Messie. Lui porte la promesse d'être celui qui va délivrer Israël. C'est par lui que s'accompliront toutes les promesses. Quand vous lisez dans Genèse 12 du premier au deuxième verset, Abraham a reçu la promesse que par lui toutes les nations de la terre seront bénies. Mais ce n'est pas par Abraham que les nations ont été bénies, mais il n'y a que Christ dont la bénédiction est passée à quitter l'Israël pour atteindre toutes les nations. Si nous sommes associés à la bénédiction, c'est par Jésus-Christ. Donc la promesse, la prophétie, la promesse qui a été donnée à Abraham devait s'accomplir par lui. Dans Genèse 49, si vous commencez au 10e verset, la promesse qui a été donnée à Judas, où le bâton de la royauté ne devait pas quitter sa maison, devait aussi s'accomplir par Jésus. Mais Jésus a une identité qui ne lui permet pas de faire ces choses. Il est connu comme le fils, le fils de Joseph. On le connaît comme le fils du charpentier. Et même certains juifs, pour provoquer sa famille, on l'appelait le fils de Marie. Vous savez, c'est malheureux lorsqu'on appelle un enfant fils de maman, alors que le père est là. Parce qu'il savait que Jésus était un fils de la prostitution. Ni mtoto alitokea ndani ya oui, on savait que hii mimba iko ya Joseph. Walijua kwamba cette grossesse là elle n'appartient pas à Joseph. Et il pouvait provoquer. Na wangeweza kumchokoza. Avec cette identité. Pamoja na utambulisho huu. Il n'allait pas affronter. Hangeweza kupigana. La grande bataille. Ile vita vikubwa. Il fallait qu'il entre dans le processus. Iliomba ingie sasa ndani ya hatua. Et il commence par un langage que j'aime. Anaanza na masemi ninayoyapenda. Il dit il faut que le fils de la promesse. Anasema inaomba mwana wa entrer dans sa gloire. Et le temps est venu. L'heure est déjà venue. Où le fils de l'homme doit entrer dans sa gloire. Alléluia. Amen. Dis à la personne côté, le temps est venu. Le temps est venu. Jésus décrète un moment solennel. Il dit le temps est venu où le fils de la promesse doit entrer dans sa gloire. Mais il reconnaît une chose. Je n'entrerai pas dans ma gloire si la semence ne tombe pas à terre. Si la graine ne tombe pas à terre, je n'entrerai pas dans cette gloire. Et ici, il était en train de parler du processus de la transformation. Lui qui est appelé par tel nom, il doit accepter. Accepter le processus. Et ce processus passe par plusieurs étapes. Cet homme doit être injurié. Cet homme doit être nu devant le monde. Cet homme doit monter sur la croix. Et c'est seulement sur la croix qu'il va porter la couronne. Et après la couronne, c'est la tombe. Et après la tombe, c'est la gloire. Pour qu'il soit confirmé là-bas. Et qu'on lui dise, il a cloué les puissances sur la croix. Il a dépouillé sur la croix. Lui-même devait passer par ce processus. Parce que le processus de devenir un Dieu, c'est un processus exigeant. Il nous veut que nous puissions nous contraindre nous-mêmes pour arriver à la gloire. Le message que j'avais ce soir pour quelqu'un, c'est de te dire qu'il y a des promesses qui sont devant toi, qui sont vraies, mais tu ne pourras y entrer que si tu acceptes un processus, le processus de la transformation que Dieu a prévu pour toi. Il y a des moments où nous avons des promesses. Mais lorsque vient le temps où Dieu dit voici les chemins, nous avons peur. Nous disons mais est-ce que ndaweza? Est-ce que je vais réussir? Mais si tu ne sais pas passer par ces chemins, tu n'arriveras pas à ta destination. Tu vas mourir avec la promesse, avec l'histoire de la prophétie, mais tu ne le verras pas s'accomplir. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas cela s'accomplir. Lorsque nous parlons de la transformation, nous parlons des processus. Lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un avec puissance, quand il voulait utiliser Paul, il a fait passer par un processus. Parce que Paul, même s'il était au pied de Gamaliel, il n'allait pas accomplir le travail qu'il a accompli sans accepter la transformation de Dieu. Le processus de la transformation, c'est une autre dimension de la foi qui nous a amène à accomplir des choses qui sont au-delà de notre capacité, à entrer dans les domaines qui nous sont interdits. Parce que la notion de la transformation, c'est une notion qui a été utilisée en ce début dans l'industrie agroalimentaire. Ilitumiwa ndani ya viwanda vya kulima na kula. On devait transformer certains produits. Ambao ungepaswa kubadilisha. Et leur donner une autre nature. Na kuvipatia umbo ingine. On devait transformer certains produits. Ungepaswa kubadili vitu moja. Et leur donner une autre valeur. Na kuvipatia samani mpya. On devait transformer certains produits. Ungepaswa kubadili vitu fulani. Pour leur donner une autre forme. Ili uwavipatie umbo mpya. On devait aussi transformer certains produits. Lakini ungepaswa badili vitu fulani. Pour un usage multiple. Ili wavitumie kwa vitu vingi. Et lorsque Dieu veut nous amener dans son processus, c'est pour changer la valeur que nous avions au départ. C'est pour changer la nature que j'avais au départ. C'est pour changer la forme que j'avais au départ. Mais c'est pour permettre que je sois une solution à multiples problèmes. Pour arriver à cette dimension, je dois accepter d'entrer. Dis à la personne à côté, accepte d'entrer. Accepte d'entrer. Accepte d'entrer. Accepte d'entrer. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tutaomba. C'est pas, on termine à quelle heure? 12:30 à 30. Voilà. Donc on va prendre les 15 minutes pour la prière. Utachukua dakika 15 kwa ajili ya maombi. Et je vais continuer avec la partie restante demain. Na nitaendelea na sehemu la prière de ce soir. Maombi ya magharibi ya leo. C'est de dire Seigneur, amène-moi encore plus loin. Ni kusema Bwana unipeleke tena mbali. Amène-moi encore plus profond. Unipeleke tena ndani ya vile. Parce que je dois accomplir. Sababu napaswa kutimiza. Des choses qui sont au-delà de mes compétences. Mambo ambayo iko juu ya. Je dois renverser des systèmes. Napaswa kupomba. Qui ont existé des siècles avant moi. Je dois m'attaquer aux hôtels qui me contrôlent mais qui ont été installés avant moi. Le temps de faire des choses ordinaires est passé. C'est le temps d'accomplir des choses extraordinaires. Le temps de nous approcher de Dieu pour des questions ordinaires est passé. C'est le temps d'entrer pour des choses extraordinaires. Où nous n'allons pas prier seulement pour le manger et le boire, mais nous allons prier pour le renversement des systèmes. La délivrance de la RDC est cachée très loin. La délivrance de cette nation est cachée très loin. Ça demande un engagement profond, une détermination spirituelle, une élévation des dimensions pour sauver. Peut-être que ta famille est cachée encore très loin. Il y a des forteresses que tu ne vas pas renverser seulement par un seul jour. Il y a d'autres qu'il faut monter pour libérer toute une génération, pour libérer toute une famille, parce que les réclamations sont élevées. Il y a des forces du mal que tu ne vas pas briser seulement. Il y a des limites que tu ne briseras pas avec une prière ordinaire. Mais il faut une nouvelle nature. C'est la nature de la divinité. Dis Seigneur, comme tu l'as fait pour Moïse, fais de moi un Dieu. Parce que les défis qui sont devant moi s'élèvent dans la dimension de Dieu. Je sens comme si ça me résiste. Ma famille a besoin d'une délivrance. Ma famille a besoin d'une délivrance. Il faut que je monte dans la dimension de la divinité. Les limites par rapport à mes origines sont nombreuses. L'ennemi est plus puissant que moi. Je ne sais pas l'affronter seul. Je dois changer de nature. Bien-aimé dans le Seigneur, il est des moments où nous devons être conscients de l'ennemi. À chaque type d'ennemi, il faut adapter l'arme appropriée et la stratégie appropriée. Ce soir, la stratégie, c'est que toi, tu changes de nature pour influencer le monde, influencer les systèmes du monde. Tu n'iras pas avec les mains bredouilles, tu n'iras pas avec l'identité de ton grand-père. Il faut que tu y ailles avec une nouvelle nature. Ce n'est pas tant que Congolais que nous allons changer les choses. Ce n'est pas tant que citoyens que nous allons changer les choses. Mais nous devons entrer dans une nouvelle dimension de la divinité pour renverser les systèmes qui ont été installés. L'Afrique a besoin de ses prières. Le monde a besoin de ses prières. L'église a besoin de ses prières. Il y a des hommes et des femmes qui ne seront délivrés, qui n'accepteront l'évangile que lorsque quelqu'un va opérer dans la dimension supérieure, parce qu'ils sont liés par des puissances qui résistent même aux prières ordinaires. Alléluia. Nous allons nous lever.